L'heure est grave, Techné. Il nous faut agir vite. Hier on ne va pas bien. Et nous devons l'aider. Mon roi et mon berger, il guide tous mes pas. Parfois des pertes de mémoire, quelques confusions. Pailleron. Le pronostic est réservé. Preuve douloureuse. Parlez au médecin. La maladie d'Alzheimer. Non, pas hier. Pourrait dire n'importe quoi. Apparaître ridicule. On peut craindre une révolte. On le traite de nul. Non, pas hier. Avoir le cul qui pèle, des bouffigues sous les orteils, les rotules enquistées, les paupières entartrées. Je suis prêt à passer pour un traître, à te sacrifier. Pour lui, je le ferai. Tu es la providence, l'avenir d'Archelon, et cette nuit ton bras va frapper. Pour ton honneur, Hieron. Je te donne ma vie.